Mets le volume dans le casque, man, please. You know? Si tu gorro de la baie, violent, oui. Mets le volume dans le casque, man. Ouais, sale. Je suis violent comme sud de l'Italie, mafieux comme les Trapattoni. Si tu gorro de la baie, j'ai compté du pif, j'avais pas à lire. Chemin, il lui a mis dans la tête, parce que son petit frère s'est fait salir. J't'ai pas fait du sale, gros, j'ai failli. Mais devant les keufs, j'ai dû tailler. Tu crois vraiment qu'on est gogol? Parce que tu vois, gros, gesticule. Mais derrière toutes ces pellicules, tu vois pas le mal qu'on véhicule. Les vrais négros nous connaissent bien et savent qu'on bouge les reins seulement après la guerre. Mes chars danse après les chaos. Mero, gang, Nimco, gang, Skao, gang, Marlo, gang. Mes négros dansent après la guerre. Mes chars dansent après les chaos. Higo, c'est la jungle dans nos rues et Medellin. Dans les coins avant la dope, mon prof d'anglais prend des lignes. Laissez-moi dans mon délire, j'fume mon joint à l'arrivée, je vous attends sur la ligne. Les livraisons se font à vélo, les grands du checks finissent alcoolo. Les sœurs des gens sont dans les télos, les toxicos sont dans les bureaux. Mon cellulaire est sous écouteur, la brigade des chips sont mes auditeurs. Les petits noms n'ont plus rien à foutre, la haine a remplacé la peur. Après la pluie viendra le beau temps. Après le sang viendra la paix. Et shoot-le s'il croit que t'as son temps. Je vais te casser ta gueule, on parle après. Les types veulent monter les grands, investissent dans des bails de Monténégro. Tes parents veulent pas du mariage, car y'a du porc dans son congélateur. Ton grand tu lui donnes du respect, mais tu donnerais tout pour démonter sa sœur. Tu dis que tu déchires au pieu, mais elle t'a trompé avec un autre négro. Jeba, gang, Madran, gang, Scarfa, gang, Bozy, gang. Depuis ce temps gros, l'équipe n'a pas chez champ. Depuis ce temps gros, mes gars sont quand méchants. Higo, c'est la jungle, dans nos rues c'est Medellin. Dans les coins avant la dope, mon prof d'anglais prend des lignes. Laissez-moi dans mon délire, j'fume mon joint à l'arrivée, je vous attends sur la ligne. Les livraisons se font à vélo, les grands du checks finissent alcoolo. Les sœurs des gens sont dans les télos, les toxicos sont dans les bureaux. Mon cellulaire est sous écouteur, la brigade des chips sont mes auditeurs. Les petits noms n'ont plus rien à foutre, la haine a remplacé la peur. Gang, gang, gang, gang. Gang, Mero, Jeba, Nimco, Madran, Skao, Scarfa, Marlo, Bozy, Mero, Jeba, Nimco, Madran.